Je n'ai pas le choix. La signalisation m'interdit de continuer tout droit et m'oblige à tourner à droite. Aucune signalisation n'indique l'ordre de passage à cet endroit. C'est donc la priorité à droite qui s'applique. Je tourne à droite, alors que l'automobiliste en face a signalé l'intention de tourner à gauche. Je passe donc avant la voiture bleue. Réponse A.